Ça commence comme un jeu. Ça commence comme un jeu, comme une blague de mauvais goût. Et ça se propage comme un feu. Le temps essuie les larmes, car quand le bonheur te pointe du doigt, la souffrance le suit du regard. L'enfer avant le paradis, peur de la solitude, comme si c'était une maladie. Et si les gens sans amour étaient odieux, et si les gens amoureux étaient idiots. Tu pleures la nuit, je tourne en rond. Ton cœur est vide et tout le temps sombre. Tu pleures la nuit, je tourne en rond. Les sentiments viennent et puis s'en vont. Mais pas l'amour. Pas l'amour. Pas l'amour. Yeah. J'aimerais te dire que je ne pense pas à nous. J'aimerais relire le mot d'emploi de l'amour. Mais tous les gens que je hais maintenant, je les aimais avant. Tous les gens que je hais maintenant, je les aimais avant. Et tu pleures la nuit, moi je tourne en rond. Ton cœur est vide et tout le temps sombre. Tu pleures la nuit, je tourne en rond. Les sentiments viennent et puis s'en vont. Mais pas l'amour. Pas l'amour. Pas l'amour. Pas l'amour. Je m'appelle Léa et je voudrais juste vous dire que un jour vous pourriez connaître quelqu'un très très bien et puis un autre devenir étranger et que ça vous arrive jamais de devenir étranger avec quelqu'un.